c'est l'émission rap de référence. 20h-21h. Capo des capis. Ce soir. Ladies and gentlemen. Planète Rap Alonso. Alonso toute la semaine dans Planète Rap en direct. Bienvenue à vous tous entre 20h et 21h sur Skyrock. Alonso, comment ça va? Ça va très très bien. En pleine ce forme. Mercredi. Mercredi à deux jours de la sortie de Capo des capis. Il y a du monde. Voilà, il y a un invité d'exception. Invité surprise, un invité. Voilà, c'est la nouvelle sensation marseillaise. Je l'appelle comme ça. Nouvelle sensation marseillaise. C'est la carrément. Nouvelle sensation marseillaise, les réseaux sociaux. Donc tout le monde va être affolé ce soir. Voilà, les réseaux sociaux, le nom comme la relève, comme la nouvelle sensation, comme le vent frais marseillais. Est-ce qu'il est présent sur Capo décapé volume 1? Mais c'est le commencement des invités de Capo décapé volume 1. C'est voilà, il est là, ses supporters, ils font tous le E quand quand il envoie ses bails. Quand il se met à ouvrir la bouche justement, donc là il y a des E de partout dans la France entière. Il y a des E de partout qui se mettent en place. Et ça commence à toucher toute la France. Hein, ce virus-là, il commence à toucher toute la France. Déjà à Marseille, je vois un peu sur ses Snapchat et tout, il prend des photos, tout ça, il est là dans les galeries, il est plein de photos, les filles l'arrêtent. Il dit waouh. Franchement, il envoie des clips depuis pas longtemps et le buzz, il est en train de monter très très fort. Donc il s'appelle... Et l'âme de la marinette que tu connais. Ah, il s'appelle Elams. Elams, ça va bien Elams? Ouais. Eh ben bienvenue dans le Planète Rap, on va faire connaissance avec toi dans un instant. Spike Miller est là aussi, on le salue. Spike Miller est là. Et on débute comme chaque soir, parce qu'il y a beaucoup de choses à passer ce soir, il y a des extraits de l'album. Ouais, y a, on va faire plaisir même à tous ceux qui suivent Elams. Je pense qu'on va passer même un, voire deux morceaux de lui, parce que... Et ben on va découvrir donc cette nouvelle sensation marseillaise. J'ai aussi un titre en exclu qu'on va balancer, quelqu'un que t'aimes bien, qui fait partie de la section d'assaut, qui s'appelle Le Fa, qui est de retour. Tu sais quoi, ce petit cachotier? C'est un petit cachotier, je l'ai vu, Black M m'a invité à son Zénith, et je l'ai vu. Tu comme vois, ça. Dans les loges. Comme je ça. L'ai vu dans les loges, alors il me check à Londres, waouh, Le Fa, ça fait longtemps, je t'ai pas vu, tout ça. J'ai dit, non, tu n'es pas là pour rien, toi. Tu n'es pas là pour rien. Tu vas monter, tu vas reprendre. Qu'est-ce qu'il me dit? Non. Ah, avec un grand sourire. Il n'a pas dit, suis-moi sur les réseaux sociaux. Non, le rap, c'est fini, même pas. Parce que c'est son truc, suis-moi. Il avait même pas encore commencé. D'accord. Parce que j'ai vu un peu le Planète Rap que tu as fait avec Gims et lui. Il n'avait même pas commencé encore à sa propagande. Il m'a dit, non, je suis là, je soutiens la famille, moi, le rap, c'est terminé. Le rap, c'est terminé. Quand j'ai entendu son couplé dans le morceau Longue Vie. Longue Vie. Et bah là, il y a un nouveau titre que t'as pas entendu, puisqu'il vient d'arriver à l'instant. Il s'appelle Quelques Minutes, donc on va le découvrir dans quelques minutes. Voilà. Ne bougez pas, mais là, juste avant, on débute avec Alonso. Finis-les. Allez, c'est parti sur Skyrock. Sao, c'est ton morceau, on sait. Vrai. Ils croient qu'ils sont forts. Petit mesquine. J'suis là depuis Luciano. Get out shit. Parlons français. Tu n'as pas percé. J'te jure sur mon fils. Ils ont pas un euro. Je n'ai jamais fait semblant. Des gaines de délinquants. J'ai tout niqué avec la psychiatre, tu le sais. Mes amis d'enfance me croisent, ils m'offensent, ils me disent Kassim, finis-les. Je reçois des appels, des promesses, des quartiers chauds, Marseille me dit finis-les. Même avant de dormir le soir, ma femme me dit ma vie, finis-les. Même mes enfants innocents me disent papa, finis-les. Chaque jour je fais le tour, je reviens sur mes pas. Vais-je arrêter un jour, voilà, je sais pas. J'ai fait des sauts dans le rap, parfois. Je reste que par amour pour les abattre. C'est la bagarre, faut que ce soit rentable, mais qui rivalise? Qui? J'ai pas du bizarre, j'vais te baiser ta race, ramenez-moi les calibres. Baisse! Si ça part en couille dans le rap game, enterre-moi à Fumboni. Fumboni! Ma mère si elle souffre, j'ai pas fini. On dit que j'ai rap pour les minots. 82 ans, j'ai pas mûri. Toujours crapuleux sur le piano. Tu le sais. Mes amis d'enfance me croisent, ils m'offensent, ils me disent Kassim, finis-les. Soit des appels, des promesses, des quartiers chauds, Marseille me dit finis-les. Même avant de dormir le soir, ma femme me dit ma vie finis-les. Et mes pas fini les. Chaque jour je fais le tour, je reviens sur mes pas. Vais-je arrêter un jour, voilà je sais pas. J'ai fait des sous dans le rap, ça refaudra. Je reste que par amour pour les abattre. Les rappeurs bavent, j'emmène à boire. J'vous pisse à l'arrêt, j'suis un bâtard. Tu vois qui sont ces pelles. Je vous fais hagar, je suis le capitaine Gabo. Marseille, je suis le capitaine Gabo. Je suis le capitaine Gabo. Marseille, je suis le capitaine Gabo. Gabo de Gabo. La mixtape est en précommande, mamé. Ce soir, Elam, c'est dans la maison, mamé. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Alonso, avec ce morceau qui est devenu un hymne. Ouais, à c'est l'instant dans le studio. Voilà, un morceau qui est joué en club et je n'arrive pas encore à comprendre. Finis-les. Je n'arrive pas à comprendre. Finis-les. Ce soir, il y a énormément de monde qui est venu soutenir la mixtape, qui est venu soutenir Elams. Ils ont fait le déplacement de Marseille. Ça fait énormément plaisir. Les gars, s'il vous plaît. On fait du bruit ou pas ? Voilà. Alors, il est content quand même de présenter Elams. Toi, tu nous dis qu'il fait partie de cette nouvelle sensation marseillaise. Pour moi, c'est la nouvelle sensation marseillaise. Voilà. Toi, tu l'as entendu quand la première fois qu'on t'a. La première fois qu'on t'a parlé de lui, tu te souviens ? On m'a parlé de lui, c'était tard le soir. On m'a dit, s'il te plaît, clique. Clique. Juste, tu vois, tu me dis ce que tu en penses. Tu fais comme tu veux. J'ai cliqué. À un moment donné, j'ai regardé mon pote. J'ai dit non, je crois que c'est trop. Je suis arrivé chez moi, je l'ai mis. Et avec mes deux pitbulls, c'est mes deux garçons. Donc c'est eux qui valident. Et c'est eux qui valident, Milan et Kylian. Et je voyais qu'ils commençaient à danser. On a fait une chorégraphie ensemble, à trois. Je l'ai mis sur internet. Et c'est comme ça que j'ai découvert Elams. Franchement, il a un style à part. Il a énormément d'énergie à revendre. Il est très original. Je vais pas en dire beaucoup parce que sa team, ça grandit de jour en jour, comme je t'ai dit. Tu vois, il balance sérieusement des clips. Ça fait peut-être depuis avril, là, mais il a fait des trucs bien auparavant, hein, bien sûr. Ouais. Il est pas né de la dernière pluie. Là, il bosse, ça fait longtemps. Mais concrètement, ça fait pas très longtemps qu'on essaye de faire quelque chose de sérieux et de bien consistant. Et ça prend plus vite que prévu et il s'arrête pas. Il balance deux, trois morceaux par mois. Il s'arrête pas. Même moi, je suis plus. Si je mets tout ce qu'il envoie sur mes réseaux, le mec, il inonde mes réseaux, mes Facebook, c'est je mets plus rien de moi. Voilà, c'est énorme. C'est la folie, c'est trop. Voilà, c'est trop. Alors Elams, petite présentation, petit CV. Il sera même plus haut si Dieu veut. T'es de Marseille ? Ouais, la Marine Bleue précisément. La Marine Bleue ? Ouais. Très bien. Donc tu as commencé quand ? Petit CV Express. Depuis tout petit, je rappe depuis tout petit. Bon, t'es tout jeune en même temps, t'as quel âge ? J'ai 21 ans. 21 ans ? Bientôt 22. Ouais. Il y a eu des sorties déjà ou non ? Pour l'instant, ça se passe uniquement via le viral, les réseaux sociaux ? Via Facebook, les réseaux sociaux, ouais. Vous pouvez me suivre sur ma page officielle, Elams officiel. Mon Facebook personnel, Elamston de la Marine, mon Snapchat, Elamston LMB, voilà. Eh ben là, je crois qu'on a tout là. Depuis qu'on s'est encadré en fait. Eh ben ça marche et on espère monter. Et puis là, t'as un sacré coup de projecteur aussi avec le projet d'Alonso. Ouais. Grâce à son coup de pouce aussi. Merci à lui. Normal. Merci à toi. Ma team aussi. Merci à toi. Ouais. J'arrête pas de le répéter. La type de base qui grandit, ouais. C'est ces morceaux qui font le taf, c'est lui qui fait le taf. Moi, je suis là, je fais rien. C'est tout, tout c'est lui. Bon, voilà. On aura un aperçu, on balancera un de ces morceaux tout à l'heure, là, dans quelques minutes. Deux morceaux même. Même deux. Ouais. Et bah ça. Ça arrive dans un instant. Je rappelle aussi qu'il y a un numéro de téléphone, vous pouvez joindre à Londres pendant l'émission. Ça s'arrête pas. 06 71 74 84 15. Ça s'arrête pas. Ah, tu vas en prendre un tout de suite. Ouais. Et bah allons-y, Alonso. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Ça va, tu as Skyrock, c'est Alonso, cool. Ça va, Alonso. Très très bien, et toi? Tranquille. Wow, ah, ça sent le sud, déjà, ça sent le sud. Hein. Les gens, ils vont croire que je fais exprès. Oui, en fait, tu as la main heureuse. C'est incroyable. Tu viens d'où, de Marseille? Ouais, la Soude. De la Soude, grosse dédicace, quartier sud, la Soude, tout le monde. Merci beaucoup pour le soutien, en tout cas, c'est gentil. Ah, tu joues, Inch'Allah, tu continues. Inch'Allah. Il y a Elams avec moi, tu connais Elams de la Marine? Bien sûr. Et comme tu l'entends, je n'ai pas venu seul. Marseille, c'est une star, je le vois, il fait des photos, c'est la folie, c'est... Il est trop fort. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Ouais, Elams, il merci. Est trop fort. En plus, c'est vraiment pris au hasard. Hein, je tiens. Merci. Je tiens à préciser, c'est vraiment pris au hasard. C'est-à-dire que tu décroches un moment sur ce portable, c'est ligne directe. C'est-à-dire que voilà, donc, c'est ni filtré, ni rien du tout. Je peux passer une petite dédicace? Vas-y, on t'écoute. C'est une dédicace pour mon poteau Sophie de la Finale 2. Yes. Et ben voilà. Petite dédicace. Merci à toi, mademoiselle. Merci à toi. D'avoir rappelé, en tout cas, dans ce Planète Rap. Porte-toi bien. Ciao, ciao. Tiens, et Alonso, comme tu n'as pas le temps d'écouter tous les messages, on a toujours gardé le code et on va de temps en temps farfouiller dans la messagerie. Et j'ai toujours peur. Et il y a un message pour toi qui est arrivé, écoute bien. J'ai toujours peur. Allô? Allô? Eh merde, c'est le répondeur. Bon, Alonso, c'est Sopra. Eh ouais, tu dois être en pleine émission, je sais pas où tu es là. Putain, bon, finis-les tous. Voilà, casse la baraque, renvoie-moi un message dès que tu arrives à Marseille ou dès que tu entends ce message. C'est Sopra, je te fais des bises, nique tout, tu le sais que tu es le best. Alors montre-leur encore une fois. Et voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? À un moment donné, fini, voilà, il n'y a que ça à dire. Alonso, papé, ciao. Voilà. Merci beaucoup. On est tombé sur ce message. Mais il est magnifique. Il me va droit au cœur. Voilà, c'est Soprano. Vous avez pu le reconnaître. Membre de mon groupe, Sika de la Rime. Voilà, à la vie, à la mort. Grosse dédicace à toi, poto. Je sais que tu es en tournée. Tu t'arrêtes pas. Ça s'arrête pas. Hein. Lui, Soprano, c'est un rendement de 300 dates par an. Ouais, c'est. Il revient là, je crois, de Kinshasa. Oui, il a fait l'Afrique et il part en tournée dans tous les zéniths. Voilà, hein. C'est la folie. Donc, grosse dédicace à toi, à Vince. J'embrasse fort, Sia. Et cicatre à vie. Et franchement, allez voir le Cosmo Tour parce que c'est assez incroyable. La folie. Le décor, tout est incroyable. C'est n'importe quoi. Près de chez vous, je vous ai promis le morceau de Lefa. Lefa est donc de retour. Lefa, ça y est. Le petit cachotier de la section d'assaut. Ça fait grand plaisir de le réécouter. Il vient de balancer un titre là il y a quelques minutes. On exclut le morceau, ça fait quelques minutes. Okay. On le découvre maintenant, ça va? Vas-y, pas de soucis. Allez, on balance. Avec plaisir. Vos réactions, le hashtag Alonso sur Skyrock, et là c'est Lefa. Quelques minutes peuvent bousculer ta life, te faire mal. Aïe, aïe. En quelques minutes, les menottes, rendez-vous au tribunal. Aïe, aïe. Fais vite avant que aïe aïe. Ouh ouh. Aïe aïe. Aïe aïe aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe aïe aïe. Ouh ouh. Aïe aïe. N'écoute pas les rumeurs. N'écoute pas les gens qui peuvent te parler une heure de leur soi-disant vécu, mais oublieront te parler de leur part et d'erreur. Qu'est-ce qui se passe en coulisses? Qu'est-ce qui se passe au poste de police? Au poste de police où ton poteau parle sans baveux, passe aux aveux, en échange il pose ses conditions. C'est comme ça qu'un trait te la met. Là tu comprends qu'en vérité t'as très peu d'amis. De présent quand t'es dans la mouise, très peu d'amis te supportent même dans la misère. Trop facile de vriller quand on n'est pas fils à papa mais fils d'ouvrier. Fils d'ouvrier veut se faire un nid d'ouiller. Fils d'ouvrier veut juste briller. Fils d'ouvrier veut juste un billet pour s'habiller luxe. Résultat la juge le convoque plus. Mais fils d'ouvrier ne lit plus le courrier. Quelques minutes peuvent bousculer ta life, te faire mal. Aïe aïe. En quelques minutes les menottes, rendez-vous au tribunal. Aïe aïe. Fais vite avant que aïe aïe. Ouh ouh. Aïe aïe. Aïe aïe aïe aïe. yeah. Tire-toi sans dire un mot. Fuis les problèmes avant qu'on vienne t'en sortir un autre. Sans dire un mot. Mets la cinquième voie de gauche, pied sur le plancher. Fais-nous sentir le mot. Deux. Pas le temps pour les sentiments, pas le temps pour les gens qui te blessent. Sentiments te blessent, sentiments attendent que tu crèves en silence. Puis te laisse pour mort à même le ciment. Si t'as l'intention de retourner ta veste, ralentis. Ne retourne pas ta veste pour une perte zanotine. Perte zanotine, non, ne retourne pas ta veste pour quelques saloperies, quel qu'en soit le prix. Y'a des limites à ne pas dépasser. Pour ne pas avoir les poignets serrés par les bracelets, non. Surtout pas repasser par les mêmes impasses que par le passé. Tout le monde sait que c'est la merde, merde. Oui, tout le monde sait que c'est la merde. Difficile même pour d'excellentes merdes de savoir où traînent le sexe de leur marmo. Quelques minutes peuvent bousculer ta life, te faire mal, aïe aïe. En quelques minutes les menottes, rendez-vous au tribunal, aïe aïe. Fais vite, fais vite, fais vite avant que aïe aïe. Ouh ouh, aïe aïe. Ha! Fais vite avant que aïe, yeah. Aïe. Tu me connais toi? Fall. Tu me connais pas? Aïe, aïe. Fais vite 2016, avant que aïe, monsieur aïe. Fall. Tu me connais toi? Tu me connais pas? Quelques minutes à l'instant, le Fa. Ah, il est en forme, hein, il est en le forme. Fa, le Fa, écoute-moi, je sais pas si tu m'entends, j'en ai marre de toi, le Fa. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu reviens? Pourquoi? Non, pourquoi il est énorme. Ouais. Franchement, un chapeau. Bravo. Bravo, bravo. Bravo. Bravo. Gros, gros titre de le Fa, ça fait plaisir énorme. Vraiment de le réécouter. Grosse dédicace à la team Wachibé qui nous soutient aussi sur les réseaux sociaux. Il y a Berries dans la mixtape. Et j'ai vu que quand on a balancé le morceau, il y a eu un énorme soutien sur Internet. Donc, merci à la team Wachibé qui soutient la mixtape Capo des Capi en précommande. Et le Fa, donc on attend, ça, à mon avis, ça devrait plus tarder, hein, l'annonce d'un projet, parce qu'il nous régale en ce moment. Et comment il cache tout, ça m'étonnerait pas qu'il nous dise, il sort dans deux semaines. Après-demain, hein. Ouais, après-demain, ouais, ouais, tu crois aussi. Ce ouais, petit cachotier, ouais. Je vais l'appeler le cachotier maintenant. C'est possible, c'est possible. Bon, guettera. Ouais. Eh ben, allez le suivre, le Fa authentique sur les réseaux sociaux. Et le ouais. morceau, à l'instant, s'appelait Quelques minutes. On est de retour dans le Planète Rap avec Alonso. C'est ça. Avec quelqu'un qui est dissipé, mais c'est normal, c'est l'âge. Avec la sensation. Voilà, on va l'appeler à la sensation. La sensation. Et l'âme, c'est avec nous. Ça va bien, Elams? Ouais. Je vois qu'il y a plein de dédicaces qui arrivent, hein, tu vas être obligé de balancer, sinon, pour rentrer sur Marseille, ça va être compliqué, si tu dis tout le monde. Ah ouais, grosse dédicace à Sanda, Obaya, Kevin, Bechou, Obaya, et Rijal. Obaya. Est-ce qu'on ne balancerait pas d'ailleurs un premier morceau d'Elams pour faire connaissance avec le garçon? Franchement, là, il y a du monde sur le plateau. Les messages, ça s'arrête pas. Je suis fan de toi, Elams, tu es mon idole. Elams, je t'aime. Elams, je t'aime. Donc, à un moment donné, on va balancer un morceau. Voilà. Alors, je pense qu'on balance le morceau qui est sur la mixtape. Sur la mixtape, c'est pareil. Pareil. Ce morceau, tu sais, j'ai dû aussi le shipper. Le braquer. Je l'ai braqué. Oui. Je l'ai écouté. Ils ont fait le clip. Ils ont fait le clip. Mais voilà, je me suis concerté avec eux et je me suis dit, il me le faut. Je sais pas, faites quelque chose. Le mec, il envoie plein de morceaux tous les jours. Celui-là, donnez-moi-le parce que je l'aime beaucoup. Laissez-moi celui-ci. Voilà. Et toi, t'as dit, ok, c'est parti. Ah ouais. Sur Capo des Capi volume 1 qui sort vendredi. Donc ce morceau qui s'appelle Omater, c'est ça, hein? Exactement. On le balance? Allez, c'est parti. Elams sur le projet de Alonso. Capo des Capi, Elams. Never forget. Et l'hameçon de la marine, tu connais, c'est comme d'hab. Je danse car ils ne savent que rapper, c'est gros d'hab. La mise fait la scène, apparemment c'est une grosse tasse. Gaffe aux mêmes baladeuses, les burettes mettent des grosses basses. Polo Costa, Puto la meuf est chambée. Costa, texto, resto, tello, hasta la vista. Hasta la vista. Tu sais comment on les aime, dominante, coquette avec du caractère. Sachez qu'une femme peut mettre un homme à terre. Tu sais comment on les aime, dominante, coquette avec du caractère. Sachez qu'une femme peut mettre un homme à terre. T'es célibataire, t'as du caractère. Et tu te laisses pas faire, pas de manie où je retrousse mes affaires. T'es célibataire, t'as du caractère. Et tu te laisses pas faire, pas de manie où tous mes affaires. J'suis au max, au mec, pète au bec, Air Max, bon mec. Lui, salon et panté, salon et panté. Ta vie est comptée, ça suce, excuse, puis qu'on est côté. Sale pute, j'tuse, fuse, jusqu'au point de côté. 2015, on bouge le popotin. De nos jours, ils sont tous pleins de potins. À croire, c'est tous des you. Bouge, on fait le coup du siècle et on style à Bogota. C'est comment elle les aime, dominant, coquet avec du caractère. Sachez qu'un homme peut mettre un homme à terre. C'est comment elle les aime, dominant, coquet avec du caractère. Sachez qu'un homme peut mettre un homme à terre. T'es célibataire, t'as du caractère et tu te laisses pas faire. Pas de manie où je retrousse mes affaires. T'es célibataire, t'as du caractère et tu te laisses pas faire. Où je retrousse mes affaires. Tu sais comment on les aime. Dominante, coquette avec du caractère. Sachez qu'une femme peut mettre un homme à terre. Je sais comment elle les aime. Et l'âme d'un capot décapi. La marine bleue. Sachez qu'un homme peut mettre un homme à terre. Et c'est divinaire. T'as du caractère. Et tu te laisses pas faire. Pas de manière. Où je retrousse mes affaires. Et c'est divinaire. T'as du caractère. Je retrouve mes affaires. Putain, mais je t'ai dit, voilà, voilà. Qu'est-ce que c'est que voilà. Cette sensation? Et voilà, je qu'est-ce t'ai que dit. C'est, qu'est-ce que c'est? Je t'ai dit, voilà, voilà, c'est voilà. Tu et comprends? Et l'âme, par contre, méfie-toi, il y a un mec cagoulé derrière toi. Ouais, voilà. Il y en a même deux. Il y en a deux. Mais tu crois qu'on vient à Paris, c'est normal. Hein, il faut toujours mettre sa cagoule. Est-ce que je t'avais menti ou pas? Tu comprends? Je comprends. En tout cas, je vois aussi. Voilà. Regarde, homme à terre, une tuerie, les messages qui arrivent pour Elams. Ça, c'est dans Capot des Capis. Le 18. Voilà, c'est en précommande. Ça arrive, Elam, s'il est là, je vous avais pas menti, voilà, tout simplement. Bon, Elam, ça y est, t'es prêt là, de toute façon, là, t'es prêt. Ah, ouais. Maintenant, là, t'es structuré, il y a les morceaux, il y a un coup de projecteur avec Alonso. Ouais, tout est carré. Tout est carré, ouais. Il y a le studio, il a plus de maison, il dort. Ouais, le label. Ouais, ça y est, on est chaud. Voilà. Mais t'as combien de morceaux encore en réserve là? Tu sais même plus. On les compte même pas. J'ai pas le droit de les prendre en fait. J'enregistre et j'ai pas le droit. Il a pas le droit de les prendre et pas le droit de les compter en fait. Ouais, c'est ça en fait. Voilà. Ça arrive. D'ici 2017, RM sera Big Boss. Voilà. Peut-être même, puisque tu parles de 2017, Elams président. Qui sait? Qui sait ce qui peut se passer en un an et demi? On sait jamais. Bon, on écoutera un autre titre d'Elams, en tout cas, tout à l'heure, t'es venu avec. Qu'est-ce qu'on mettra d'autre à Londres de la mixée? Tu feras un live aussi ce soir ou pas? Je sais pas, on va voir. Sais qu'on m'a beaucoup parlé du titre avec Monsieur Beriz, qu'on a balancé. Voilà, Docteur Beriz, le morceau. Je pense que peut-être on va le remettre. Le BG. Voilà, le BG, qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Donc on verra. Elle est en précommande, la mixtape, elle est là, elle est chaude. On est avec Elams ce soir, Planète Rap, Marseille. Ouais, ne bougez pas, on fera aussi tourner la roulette. Allez, dans une petite trentaine de minutes, inscription pour faire tourner la roulette. Peut-être la PS4 à choper tout à l'heure. 41-759 avec votre prénom, numéro de téléphone. 41-759. On revient après ça avec Alonso et Elams. C'est l'émission rap de référence. 20h-21h. Ladies and gentlemen. Ce soir, Planète Rap. Alonso. Alonso avec nous, Capot des Capis et Elams qui est là aussi ce soir. Capot des Capis en précommande. Merci du soutien. On reçoit plein de messages pour la mixtape, pour Elams. Non, merci. Voilà, grosse dédicace au secteur 14e, le Maï, la Busserine, les Cèdres, Fonds Verts, les Cyprès, Herbel. Merci à tout Marseille, les quartiers nord. J'ai comme l'impression que ta belle ville te manque. Hey, mais à chaque fois, tu sais, 3 jours maximum à Paris. Et après, stop. 3 jours. Tu sais, aujourd'hui, on était en train de faire les boutiques, on était 5, il a fallu acheter 5 parapluies. C'est n'importe quoi. Il y avait la tour Eiffel sur les parapluies. On aurait dit des gros béraux, des gros touristes. Mais tu connais, après la pluie. Il y a le beau temps. Et voilà, c'est nous le beau temps. C'est vous. Voilà, et non, si je te disais, si je te posais la question de savoir si tu te languissais de Marseille, c'est que nous avons un Marseillais en ligne et pas des moindres. Quelqu'un, voilà, que personnellement je suis sûr que tu aimes beaucoup aussi. Qui c'est? Laura Luciano est en ligne. Bon, quelle surprise. Ciao. Monsieur Luciano, ça va bien? Ça va bien ou quoi, en forme? Eh ben, ça fait plaisir d'entendre ta voix en tout cas. Ça va, mon frérot? Et toi, frangin, tranquille? Très, très bien. Ouais, on s'est vu il n'y a pas longtemps, plus depuis, ça va? Ouais, ça va, frérot, tranquille. Ça fait plaisir d'entendre ta voix, mon frère. Et Luciano qui est présent aussi, sur Capot des Capés. Laura Luciano, c'était un featuring attendu. Voilà, comme j'ai dit, il fait partie des légendes du rap marseillais. C'est même quelqu'un de très respectable. Ah, c'est trop. Non, arrête. Mais à chaque fois, il me dit c'est trop. Mais c'est trop de quoi, mon frère? Ça a toujours été c'est la vérité. C'est la vérité. Ah. C'est comme ça. Et alors, Lout, je voulais compter en ligne un petit peu parce que, alors, samedi, il y a une reformation de la Funky Family, en l'occurrence, pour Pone, hein. Pone qui est atteint d'une maladie. Et donc, vous êtes décidé de remonter sur scène pour filer un petit coup de main parce que je crois qu'il y a des soins qui coûtent très cher. Ou en tout cas, non, c'est une maladie qui est orpheline, donc il n'y a pas de soins. Mais il y a deux, trois choses où on peut filer un coup de main, en tout cas à Pone. Le concert s'est rempli en l'espace de 24 heures, hein, c'est ça, deux l'espace jours, maximum. Ouais, c'est ça, en 24 heures, toutes les places sont parties, tout ça et tout. En fait, le concert, tu as vu, c'est plus voilà, pour lui faire plaisir, tu as vu, voilà, c'est plus pour ça. Voilà. Après, voilà, les gens, ils ont répondu présent, tant mieux, tu as vu, ça va aller là où ça doit aller, tu as vu. Mais le plus, c'est pour lui, pour son mental, pour voilà. Oui, c'est pas un truc qui est réfléchi, il n'y a pas une stratégie derrière, il n'y a pas. Voilà, non, pas du tout. Il y a Walou, frère. Voilà, c'est ça. Moi, je l'ai vu il y a une semaine, tu te rappelles, je t'ai dit, il fallait faire ça au Dôme. Hein. Tu te rappelles quand je t'ai dit ça? Ouais. Parce que, tu sais, il m'a dit, ouais, mais on ne s'attendait pas. Je lui ai dit, eh oui, voilà, tu t'attends pas, parce que vous ne savez pas ce que vous avez représenté pour nous, pour toute la France, la FF. Et tu l'as vu. En deux jours, ça s'est rempli et voilà, on demande du rap. C'était le feu, frère. Voilà, et je pense que, tu vois, samedi, moi, je suis à Lyon, je suis dégoûté. Je ne vais pas être là pour ce concert historique. Mais comment je fais, les gars? À un moment donné, faites notre date, mon frère. Voilà, comment je fais? Je ne vais pas voir ça, moi. Là, franchement, avec l'ambiance qu'il y a eu, tu vois, on répète tout ça. Peut-être qu'on refera quelque chose, ça vient. Si Dieu veut. Et tu sais, voilà, ouais, si Dieu veut, exact. Un petit truc, parce qu'on en a parlé même il y a une semaine avec lui. Il me disait, je me rappelle de toi à l'espace Julien. Et il faut savoir que la première place de concert rap que j'ai acheté de ma vie, c'était pour la FF. C'était à l'espace Julien. Et il s'en rappelle. Et il y a une semaine, il m'a parlé de ça. Et on n'était pas connus encore, Psyka de la Rime. Donc j'étais devant la barrière en mode fou, en train de sauter. Et il s'en rappelle. Ça m'a touché. Bon, bah, voilà. Luciano, en tout cas, merci d'avoir été rapidement avec nous ce soir. Voilà, on salue évidemment toute l'équipe de la Funky Family. Une pensée particulière pour Pone aussi. Voilà. Merci, Tcha-Tcha. C'est gentil, frère. Les gens, ils attendent que le morceau sur la mixtape. Je reçois des messages, c'est quand que tu passes le morceau de Laura. Je leur ai dit tranquille, attendez, vous allez voir. Ça fait plaisir, c'est gentil. Vous allez voir. Donc voilà. En tout cas, prends du plaisir sur scène avec toute l'équipe. Mais ça, je pense qu'il y en aura en tout cas samedi. Ça risque d'être un moment particulier pour les chanceux qui ont récupéré leur place pour l'espace Julien. Ouais. Et voilà, vous allez vivre ça toute la FF. Un super moment. Et puis, on désespère pas vous retrouver tous ensemble prochainement. À bientôt, Luciano. J'espère, ça marche. À bientôt. Bon courage pour tous les frères. Pour toi, bien. Ciao. Merci beaucoup. Ciao. Pareil. Luch, à l'instant. Voilà, toujours un plaisir de l'avoir aussi en ligne et de le retrouver, d'écouter sa voix puisqu'il est présent sur ton projet. Il est présent sur le projet. Je suis heureux. Le morceau, il est. On craint des gains. Et il s'appelle On craint des gains. Donc voilà. À découvrir vendredi. Tranquille, on fait un peu saliver, normal. Tranquillement. C'est en précommande, de partout. Qu'est-ce qu'on balance par contre comme titre maintenant, Alonso? Je te disais qu'il y a un morceau qui est beaucoup revenu hier. Tu vois, les Wachi Soldats. Le BG. Il me parlait beaucoup de BG. Il y a mon directeur artistique, monsieur Spike Miller, qui est devant son tableau de bord. Il dit quoi, le pilote? Ben, je suis d'accord avec toi. BG, en plus, il sait que j'adore ce morceau. Eh ben, on le balance. Voilà, allez. Eh ben, c'est parti. Go. Capot des Capis vendredi. Future Dr. Berries. Merci pour vos messages. Capot des Capis, mame. On se. Sur la route. route, cheveux au vent. Elle conduit avec des gants. Au feu rouge, j'arrive doucement. J'ai le regard insistant. Elle me nargue, elle accélère. Je suis sur mon cheval de fer. Je vois son sourire du rétro. Je passe les rapports en roue arrière. Elle se gare, je lève le casque. Ouais, je m'appelle, je te roule une pelle. Elle rigole, je marque un point. Tu m'étonnes, what you name? Dis-moi où vas-tu comme ça? Comment, je te plais ou pas? Je suis pas plus chou que ton petit ami, Franco. On y va ou pas? Petit resto? Non. Zerma, tu surveilles ta ligne. Je vois que t'es un avion de chasse. Je serai ton pilote de ligne. Restons simples, franchement, poupée. Je te plais ou pas? Ça n'engage à rien. Évitons les nanani, les nanana. Y'a une place, allez, garde-toi bien. Je crois pas au signe du destin. Je sais pas, mais toi t'as l'air bien. Je peux te tenir par la main. Un petit tour sur la corde. On se marre comme deux potes. Je vois que tu glisses, c'est le top là. Je te plais ou pas? Si tu veux fuir, moi je te suis. C'est moi, qu'est-ce qui te parle la route? Bérise! Belle gueule! Bérise! Je te aussi. Tu seras mon plat pour mon dîner. Ma Marlene Monroe prend mon ciné. La balle de mon canoncillé. Ma belle, je suis la bête qui te fera glisser dans le cœur d'une heure. C'est sur capo des capis, mamé. Ma Marlene Monroe prend mon ciné. La balle moi, tu de mon canoncillé. Ma belle, je suis la bête qui te fera glisser dans le cœur d'une heure. En bas, de gauche à droite, en forme de couple parfait. Tes copines doutent de moi parce que tous les jours je suis en Dolce. Voiture d'oc, du siroc, j'ai des anneaux au pied. Je demanderai au DJ de passer ton son préféré. J'ai le style, je les attire, tu fais genre, t'es pas jalouse. SMS sur mon tel, on dirait que t'as les yeux qui louchent. Je vois que tu me kiffes de fou, je sais que tu me kiffes de fou. Ça te dit un week-end à Milan ou Istanbul. Drap rouge pour une nuit d'enfer. Tu sais le faire, je sais le faire. Ça va le faire, 5 étoiles, tu te dévoiles. Tu m'avais oublié mon ex. Coup de hanche, j'ai le manche qui vient de trouver le latex. Tu penses déjà à te marier. T'as des tisses, mais jamais une neuf. Un fil à marre, chez nous tu connais. Un ciné, des pop-corn. Avec toi, j'ai plus de cornes. Allège-moi, t'es ma pote, t'es ma femme, ma chicha porte. Si tu veux fuir, moi je te suis. C'est moi, qu'est-ce qui te parle la route? Belle gueuleuse, j'ai ton 06. Tu seras mon plat pendant mon dîner. Ma Marlene Monroe pendant mon ciné. La balle de mon canoncillé. Ma belle, je suis la bête qui te fera glisser dans le cœur d'une heure. Tu seras mon plat pendant mon dîner. Ma Marlene Monroe pendant mon ciné. La balle de mon canoncillé. Ma belle, je suis la bête qui te fera glisser dans le cœur d'une heure. À l'instant, donc, le morceau avec Dr Berriz sur le projet Capo des Capis. Ce morceau est doux. Il comme il dirait RDK, c'est tellement doux. C'est tellement doux, ce petit morceau. Un autre morceau dans un instant, un autre genre, ce sera avec Elam, ce qu'on balancera. Ouais. Elam, c'est à la priorité ce soir. Donc, on va balancer un deuxième titre. Tout à l'heure, on a pu entendre ce morceau, Un homme à terre sur Capo des Capis. Là, je pense que c'est une totale excuse qu'on va envoyer. Ouais. Tu l'as fait quand? Il y a pas. Récemment, il y a. Tout à l'heure, en venant. Il y a une semaine. Non. Il y a une semaine. Ouais, il y a. Voilà, une semaine, ouais. Ça veut dire que vu que moi, je suis en promo, je ne l'ai même pas encore écouté. Ah, t'as pas écouté encore? Donc, je vais le découvrir comme toi tout le monde. Spike? Ouais, il est c'est dans mon Spike qui l'a. Je t'ai dit, c'est une machine de guerre, le petit. Dans un instant, ne bougez pas. Juste avant, je vous présente Sesco de tout. Allô, Sesco? Ouais. Ça va bien, Sesco? Bonsoir. Bonsoir. Bien, tranquillement. Eh ben écoute, bienvenue dans le Planet Rap. Cette semaine, il y a Alonso. Bonsoir, poto. Ça va bien, tranquillement. Très bien. Et cette semaine, il y a aussi le film NWA qui est sorti aujourd'hui, hein, le film qui retrace les débuts de Dr. Dre, Easy, Ice Cube. Et à cette occasion, des casques Beats by Dre à choper. Il y en a un pour toi, mais faut quand même rappeler, Sesco. Ouais, y a pas de problème, on est là pour toi. Eh ben, t'écoute, session freestyle par téléphone, vas-y, go. Allez, c'est parti. Eh, ok. S-E-S-K-O 4-5, tu connais pas. Ça fait, Et oui, je m'enchaîne sur le beat Martin. Pour un beat, il apprend des sages. Reste allé, je la kick, je m'appose, je m'applique. Sois gauche, pour la pique, c'est le style. Et ta forêt, c'est trois pistes. C'est vrai que c'est moi j'ai que un vrai parasite ne part car j'ai deux gros coups d'exercice. Mais je crame le mic qui te mettra des plaques dans les squares, dans les bars, dans les bars, dans les foires, dans les tours, dans les cases, dans les fours, dans les cases. Si tu cries, si tu calmes, moi je suis un profond mal. Bien sûr que j'avance, mon coup est amorcé, mon foie peut corser, c'est ce que j'en pense, ce sont comme corsé. Mais je suis défroyé, un peu chargé, t'inquiète, jamais ça sur ma bande de taré. Ratatata, je peux plus m'arrêter, besoin de cannabis pour pouvoir m'affirmer. C'est de la peine, trop ton garde, tu perds sa force, mon femme, j'ai moi, je me saigne, que dans ce putain game, quand je mets ta force, j'ai dit histoire malsaine. Frelo, tu crois que j'ai besoin de te dire, j'ai du shit dans le cabut, ou que je suis déterre depuis, je fais des filles, que les mises me calculent. Eh, pourtant j'y vais, pépère, que les mises manifestent, je te dis crée jusqu'à la chute, et je sais que t'es pas but, mais traite pas brut, explique-moi pourquoi tu fais la pute. Soit tu crois pas, pas chercher moi, c'est tienne de vie, ne convient pas, je vous pavais, rien à prouver, moi, billets, les beaucoup sont pas trop fourrés. Eh, c'est pas fini. Ça fait 4, 5. Mais à ce qui paraît, tu veux entendre le flow des gros blancs qu'on rafate. Toujours un chevalier, histoire de te fourrer. De trois bonnes pattes, je ne sors pas des blancs, ni des bacs. Je ne sors pas un blanc par la bac. Moi, genre, y'a pas de plus de patates. Bien sûr que j'ai marre, bien sûr que j'ai marre. Mais tu es pas où le bar, au bar. J'en toujours présent quand y'a de l'action. Garçon, panneau, chargé, gavard, chauffé. Monte son nom, pas go, vagar. Tu montes à la tête, on augmente le niveau. Ça te laisse des braves comme un coup d'acrimo. Faveur ballon, on y a que des roues, ça est chaud. Ah, quand tu Nico. Ok, Sesco à l'instant. Ça kick, et en plus il a oui, j'avais posé question sur l'instru. Voilà, l'instru de Guiri. Voilà le son de Guiri. Voilà, et je fais même une grosse dédicace à la Guiri Mafia, groupe du 143, qui sont très actifs à Marseille. Guiri Mafia, big up à vous les frangins. Et merci, bah merci pour à toi, Sesco. Petite dédicace, on peut te retrouver sur le net quelque part, vas-y, balance. Ouais, moi c'est Sesco, SSKO. Là, j'ai tourné un clip il y a pas longtemps, qui s'appelle QH. Et c'est avec Alibi Montana, il est sorti hier soir. Et bah, j'invite tous les gens à aller voir, à aller partager. Page Facebook, SSKO, SKO après. Et grosse dédicace à toute la famille, Iziko, Pit, SN. Tous, merci, la merci, tous à toi. Merci à toi, Sesco, qui repart donc avec le casque. Bien, poto, bravo, poto. À l'occasion de la sortie du film NWA qui est sorti aujourd'hui, Alonz. Oui. Elams ou pas Elams? Je pense que c'est encore Elams, hein, encore et encore lui. Hein. Je sais pas, est-ce que l'équipe qui est dans le studio c'est va écouter comment, du son d'Elams? C'est comment, un son d'Elams ou quoi? Parce que j'ai senti que c'était refroidi un petit peu d'un seul coup là. Ouais. Ils en veulent dire ça. Donc ce morceau, titre inédit, hein, celui-ci est l'AMS. Ouais. Inédit qui a été fait là il y a quelques jours. Il y a une, voilà. Semaine. On pourra le retrouver aussi un peu en te suivant. Tu vas bientôt le balancer aussi. Voilà, dans ma page, sur ma page YouTube dans. Pas longtemps. Donc c'est Elams, allez suivre E-L-A-M-S pour suivre. Secret. À tout vous dire. Donc le morceau s'appelle. Il s'appelle comment Elams le morceau? Nouvelle vie. Nouvelle vie? Ah ouais. Spike, c'est quand tu veux, c'est toi qui balance le son. On y va. Sa bibi. Je me balade dans ma ville. Ma souris défile. Elle me mate la fille. Et si je dis mes vérités, elle me dira tu parles à qui? J'ai pas le temps pour les potins. Non mais attends, ce qui m'amène là, c'est pas ton potin. On peut se poser, je suis pas trop rosé. On papotera. Quels sont tes projets? De parler de moi, j'y songerai. Je dirai que l'amour ne m'a jamais fauché. Que je vienne des taudis et que je me suis pas fauché. Que je roule en l'or, que je mène une vie d'alors. Une maison sous la cote. Mais malheureusement, ma vie encore de ses alors. Mais malheureusement, ma vie encore de ses alors. Ouais, je suis plus dans le bloc là. Je roule plus en loque. Je mène la vie d'un loca. Je vends plus le shit ni la coque. Ouais, je suis plus dans le bloc là. Je roule plus en loque. Je mène la vie d'un loca. Y'a que les feux qui me stoppent. Je rentre dans le club, sur vête de club. Bina de la Vega. Tour, c'est qu'une histoire de thème. Ma story est tag. Classe à massage, pas les manettes. Cédez-moi le passage. Mon plan B et leur plan A. Et si je pète les plombs, j'en plan B. Et puis bibi. Si je presse la détente, tu seras mon seul alibi. Et qu'est-ce qu'on dit? Si on fait ce qu'on a dit, on n'écoute pas les ondes. On se va au Dieu, je veux rouler en Audi. Qu'on part dans le bon Dieu. Je cours encore et encore, purée de mon mieux. On foutra les dieux. Je cours encore et encore, purée de mon mieux. On foutra les dieux. Je cours encore et encore. Comme tu peux le voir, si je fais. C'est par amour, je te jure. Car eux, je peux plus me les voir. Ouais. Ouais, je suis plus dans le bloc là. Je roule plus en loque. Je mène la vie d'un locat. Je prends plus le shit ni la moque. Ouais, je suis plus dans le bloc là. Je roule plus en loque. Je mène la vie d'un locat. y'a que les feux qui me sentent. Ouais, j'suis plus dans le bloc là. J'roule plus en loque. J'mène la vie à loca. Dédicace à tous les potos incarcérés. Ouais, j'suis plus dans le bloc là. J'roule plus en loque. J'mène la vie à loca. Ouais, ouais. La vie d'un loca, j'vends plus le shit ni la coque. Ouais, j'suis plus dans le bloc là. J'roule plus en loque. J'mène la vie d'un loca. Y'a que les feux qui me stoppent. Ah la la la la la la la la la la la. J'vends plus le shit ni la coque. Les uns ont fait le temps fait. Y'a que les feux qui me stoppent. Ouais. Et voilà, voilà, voilà. C'est la coupe aux grandes oreilles qui a été raflée là à l'instant. De toute façon, tu vas le revoir. Tu vas le revoir sur ce plateau là, tu verras, on en reparlera. Et il est bon le son quand même, toi qui viens de le découvrir en même temps que nous, non, franchement. Énorme. Terrible ce morceau. Énorme. Nouvelle vie, hein, c'est ça. Énorme. Ouais, nouvelle franchement. Vie. Là, je l'aurais écouté, je l'ai mis, le nom de Suivez-nous, suivez-nous, suivez-nous, suivez-nous. Face. Il aurait fallu celui-là aussi sur la mixtape. Je pense qu'on peut décider d'une réédition de la mixtape tout de suite. Voilà. Ouais, on peut voir. On va voir avec Flo, avec Face, on est là. Celle-là, on la veut sur Sky, on la veut pas sur la mixtape. Vrai. Voilà. Alors les gars, Laurent, gardez un peu de force. Le bureau pour la manif est juste en face. Leur dis pas ça, attention. Leur dis pas ça. C'est juste leur en face. Dis pas ça, il vous connaît pas. Il nous prend pas au sérieux. Je vous prends très au sérieux justement. Voilà, tu vois. Donc le morceau Nouvelle Vie qu'on écoute. Je me suis pas trompé. Je t'ai dit ce fameux soir quand j'ai écouté que j'ai dit il se passe quelque chose dans mes oreilles. Il y a un truc, je vois les messages. Ça se confirme. Dédicace à mon petit frère Youssef. Il y a j'en lis quelques-uns qui arrivent. Elam, c'est le feu. Elam, c'était énervé le frangin. À quand un song Elam featuring Alonso? Bientôt. Qui vivra verra. Bientôt. Serein. Il y avait un message aussi de. Je sais pas si tu l'as vu. Elam, c'est un message de Max qui arrivait en disant t'en as fait du chemin depuis le CAP électricité du lycée d'Hydro. Oui. Voilà. Oh, il y a eu le chiot. Sérieux. Il y a eu le CAP. Attends, à l'école, moi. En plus, il rappe bien, il a été à l'école, ça. C'est énorme, c'est énorme. C'est incroyable de le dire, gros. Bon, bah écoute, bienvenue en tout cas, Elam. C'est bon courage pour la suite. Merci d'avoir été avec nous. Merci. C'est pas fini, on va finir avec le petit normal habituel, non? Bien sûr, le morceau. Qu'est-ce que t'en penses, Alonso? Le morceau est immense. Je tiens à faire une grosse dédicace à Jul, à la team Jul. Voilà, ce morceau, on savait au bout de 10 minutes qu'il allait avoir cette magie. Tu vois, aujourd'hui, je t'ai dit, bientôt, il va atteindre les 30 millions de vues. Ouais, ça, c'est fou, hein. Je crois que c'est l'un des morceaux rap français qui a le plus de vues en 2015. Donc, le Sancho, grosse dédicace à toi, toute ton équipe, la team Jul. Ouais. Dédicace à tous les potos incarcérés, à lui, nos beaux maîtres, Ponté, Salon. Les uns, on est sur Sky et on fait le taf. Et on représente à vie. On représente à vie. Ouais. Alonso, Jul, c'est sur le projet Capo Décapi et c'est vendredi dans les bacs. J'ai zoné, le bon Dieu m'a guidé. L'équipe désolée, c'est devenu sans pitié. Un peu de Jack Mel pour m'inciter. Arrière, y'a pas de train, j'frappe dans la cité. Je t'amène et la mets. Toi qui fais le mac au final, tu peux ramener. Mais mes potes m'ont dit, t'es embrouillé. Pire, j'mets un masque sous le casque AGB. C'est tout la LON, on dirait la pointe. Pour les frangins qui mettent un île en gêne. Normal. Pour les anciens, pour ceux anciens qui rodent avec le machin. Que ça parle en fait, y'a des mecs comme ça. Que des délétudes, c'est le béton ça. Que ça peut se montrer, y'a des mecs comme ça. Que t'as aimé du baiser. Ça gratte toute la nuit. Ibiza. Passe-moi une rise là, elle est bonne prise là. Je crois que tu dévisages, j'ai pété le péage. C'est du l'Alonso dans le virage. Air tu trop bizarre, j'bouge à Ibiza. Passe-moi une rise là, elle est bonne prise là. Je crois que tu dévisages, j'ai pété le péage. C'est du l'Alonso dans le virage. Braque, braque, braque, y'a ceux qui volent, volent, volent. Ça sent la pince, pince, pince. Ça dit quand ils volent, volent, volent. Trop pour sortir la misère. Ça s'engraine, que ça gratte toute la nuit. Marseille, yeah, j'ai la de la nuit. Ça fait des grosses peines, des beaux mètres à lui. Marseille, berge, plus je fume, plus j'oublie. Allez. Ça s'engraine, que ça gratte toute la nuit. Normal, tu ma drogue. Normal, en cas de poursuite. Normal, je cache la plaque. Normal, paire de hockey. Normal, contact sans cagoule. Normal, normal, normal, normal, normal, normal, normal, normal, normal. Grosse dédicace à tous les quartiers de France. Grosse dédicace à toutes les prisons de France. Grosse dédicace à ceux qui soutiennent la mixtape Capo de Capi. En précommande de partout. Faites du bruit, Marseille. Voilà. Normal à l'instant avec toute l'équipe marseillaise dans le studio, avec Alonso, avec Spike et monsieur Elams qui est là aussi avec nous. Ouais, ouais. Et il y a du casse à tous les rois, lui. Entre 20 et 21 sur Skyrock. Monzin Goussoulou qui est là aussi. Adams, Abyss One, Zaka 2054. Il y a énormément de gens à remercier. On est content. On a passé une très bonne soirée. Et ça continue demain aussi. Ça continue demain. Ça continue. Encore un nouvel invité. Chaque jour, comme ça. Avant de se quitter, avant de se dire au revoir, on fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre ton jeu PES 2016, ta PlayStation 4, plus tes places pour le transporteur héritage. Maeva, tiens, on va rester dans le sud du côté de Alens, c'est ça Alens? Eh oui, c'est Alens, ça. Dans le 13, bonsoir. Ça va Maeva? Bonsoir. Ça va et vous? Eh ben écoute, on est bien, tu entends? Ouais. Avec Alonso. Mais avec... écoute, hein, ça sent bien, c'est. Tu as entendu l'ambiance qu'il y a dans c'est le studio? Folie, hein. Bon, c'est chaud. C'est où Alain? C'est à côté de Salon de Provence, c'est un petit village. Ok, d'accord. Ok, petit village. C'est pas loin, c'est pas voilà. Loin. Eh ben Maeva, est-ce que tu es prête à faire tourner la roulette? C'est parti. Ouais, je suis prête. Bon, juste pour nos amis marseillais qui sont dans le studio, il fait quel temps là? Enfin, il a fait quel temps chez vous aujourd'hui? Du vent, c'est abusé. D'accord. Nous aussi, c'était pareil. Non, c'est pas vrai. Ici, là, il a plu, c'était n'importe quoi. Ah ouais, je peux dire stop ou pas là? Quand tu veux Maeva, quand tu veux. Et... Ah ouais, ça rigole pas, hein. Maeva. Ah ouais, je hurle là. Eh ben écoute, pour toi, les places de ciné et le jeu PES 2016 qui est là devant moi. Je viens de le recevoir, le jeu qui est sorti. Nickel, merci qui est beaucoup. Sorti aujourd'hui. Annonce, tu le veux? Ouais, eh ben j'en connais un qui va être content. Attends, vérifie quand même parce que Momo, je le connais. C'est Momo qui m'a filé la pochette. Donc, regarde juste dedans s'il y a le jeu. Parce que Momo, je le connais. Il me dit, ouais, tiens, regarde, ça va être bien. L'enfant. Ouais. Oh, le crevard. Momo, l'enfoiré, tu mérites que je te l'envoie dans la tête. J'étais sûr, Momo, mais celui-ci, je c'est te grave, jure. Hein. Y a rien du tout. Mais si, on va t'en trouver un, toi. Ne t'inquiète pas, ça arrive à la maison, Maeva. Il sera entier, il sera complet. Ce n'est pas Momo qui fait les envois, sinon ce serait fini. Il les garde pour lui. On te fait un bisou, Maeva. Je vous remercie. Merci l'équipe. Est-ce que je peux faire une dédicace? Vas-y, on t'écoute. Alors, je fais une grosse dédicace à l'homme de ma vie, Zizou, qui m'écoute, à ma belle famille, à mes parents qui sont en train de m'écouter, Manou, Neranda, mes copines, voilà. Et un gros big up à Alonso, Capo des Capis, ça va tuer. Merci beaucoup. Merci du soutien. Tiens, est-ce que tu connaissais Elams, toi, Maeva? Non, je connaissais pas. Et ben voilà. Franchement, il tue le. Voilà. Et ben voilà, ben c'est la nouvelle sensation. Voilà. Nouvelle sensation du sud. Et ben bon courage à tous et voilà, bravo et merci encore l'équipe. Bisous Maeva, ciao ciao. Et ben merci ciao, à vous, ciao. Merci à Londres pour cette soirée, cette belle soirée. Merci à vous tous. Et magnifique, et ben, pour le poteau, c'est Fora. Ça fait plaisir. On va continuer à promouvoir cette mixtape qui sort vendredi. Voilà. Et toujours en précommande, on y va. Toujours en précommande. Merci du soutien à tout le monde. Ce soir, voilà, il y avait Elams qui était à l'honneur. Il nous a envoyé même un inédit parce qu'il est très généreux. On a écouté son morceau excellent, Un homme à terre, qui figure sur la mixtape Capot Décapi. Le clip arrive bientôt. Merci à tous ceux qui se sont déplacés de Marseille. Franchement, ils sont venus, ils ont fait le taf. Les merci soldats, à ma team ES. Merci à Face. Merci à Flo. Merci. Merci à toi, Elams, d'être passé. Et bonne chance pour la suite. Bonne chance pour la suite. C'était magnifique. Merci à Lons, merci Spike. C'est à nous cette année. Voilà. Et on va retrouver Difool qui doit être dans le coin avec toute l'équipe de la Radio Libre. Oui, Fredo. Tu entends cette ambiance marseillaise? C'était bien encore ce soir. Magnifique, gros. Nous, on va entendre que Samy. Comment il va, Samy? Ça va, gros, et toi? Bien, c'est sympa, merci. Il y a l'équipe qui est montée ce soir. Il y avait du monde ce soir. T'as vu, ça fait plaisir. Ça fait chaud au cœur. On est là, on est là. Et après, je dis bonsoir au reste. Ça va, vous allez bien? Bonsoir. Le reste, salut. Exactement, le reste, salut à l'Ozo. Aïe. La Marie, calme-toi. Ah, quand même. Ah, mais bon, c'est sympa. Ouais, je vais passer. Il y a le public lyonnais qui joue là. Viens nous faire un petit coucou, regarde le match de Lyon. Ouais, c'est bien. Je suis à Lyon samedi. Et n'oublie pas qu'il y a un joueur que tu aimes bien, c'est Valbuena, qui est quand même un peu un Marseillais. Ouais, jusqu'à il y a 2 ans. Vous avez vu, il réclame des sous à l'OM là, Valbuena. Ouais, il veut 600 000 euros, soi-disant. Ah ouais. Je sais pas, parce qu'il va se faire traiter dimanche, je pense, c'est pour ça. Et bien ensuite, donc Valbuena et les autres, les Lyonnais contre Gand ce soir. Pour l'instant, il y a 0-0. On fait le point sur le match. Viens nous faire un petit coucou, Alonso. Je vais passer. Ah, c'est à 2 minutes. Je vais passer avec grand plaisir. Bah, vous aussi, venez nous faire un petit coucou. Hein, si vous avez 2 minutes ce soir, si vous avez besoin de nous, c'est au 01 53 40 30 20. On vous attend en direct jusqu'à minuit. Et puis sinon, le 41-759, le skyrock.fm. Vous pouvez laisser des messages dès maintenant. L'équipe est là, on est prêt. Et on va démarrer avec quelqu'un que tu connais bien, Alonso. C'est qui? C'est lui, écoute bien. Ah, tu connais? Oui. Ah, ben. Le son, hein. C'est 100 fois mieux. Merci. Merci Soprano. De respecter Soprano. Ah bah, merci attends. Beaucoup. Soprano pour démarrer la soirée. Et puis Radio Libre, ça démarre dans un instant sur Skyrock et Planète Rap. Le retour demain, 20-21. Exactement. Avec Alonso. A pas loupé. Le Capot dei Capi. Vrai. Salut Alonso, à demain. Ciao, ciao. Et ciao. Ciao. À tout à l'heure pour le petit coucou. 5 mots à trouver. Brosse à dents, shampoing, gel, douche. Des oignons, des tomates.